Thank you. Thank you. faut que je me concentre sur ta musique. Thank you. le dernier accord. Juste le dernier. Thank you. fait, je cherche. Enfin, ça s'écrit pas comme ça. J'ai un peu trafiqué. Yes. La basse. Je voudrais mettre juste une réverb, ces guitares, c'est où les réverbes? savez que je suis un fan d'Indochine. C'était une petite fille sans toi qui n'aimait pas ça. Et un garçon et une fille. Indochine. Par semaine, ça fait contre ma peau et je suis avec elle. Ce sent couché à point d'heure, sommeil écourté. Wow. Je perds le contrôle de ma destinée. Thank you. quoi, j'aime bien Indochine. C'est par amour que je t'ai dit oui. C'est par amour que je t'ai dit oui. Ça à vous proposer en version Indochine. C'est l'amour que je t'ai dit oui. Ah, faut partir. J'ai changé encore. Casse-couille. soir sur des jams avec une nouvelle chanson. Ouais, salut, c'est Nicolas. Par contre, Nicolas, il voulait partir, hein. One. Oh, c'est Paris. Et Philippe, il est parti.